24 paquets, aussi 24 paquets crayons couleur. 24 paquets crayons couleur. Couleur, on y met color pencil. Color pencils. Vous me dites 190 francs CFA. 190 francs CFA. 24 paquets, 190 francs CFA.